Bonjour, direct 16 décembre. Donc, c'est pas les sujets qui manquent, mais moi j'en ai pas. Donc, on va attendre les gens. C'est ça. Hey, bonjour vous. Bonjour vous. Donc, est-ce que. Oui, bonjour. Je réponds déjà à des bonjours. Est-ce qu'il y a des sujets? Y a-t-il des choses à parler? Hey, monsieur Michel, bonjour à vous. Y a-t-il des choses vous voulez qu'on parle? Hey, monsieur Blanchette est reparti en croisade contre la couleur verte. On peut parler de la couleur verte. Pourquoi pas? Hein? Bon matin, monsieur Saint-André. Hey, bonjour, Mimi. Donc, comme vous voulez, là. C'est intéressant. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on parle de quoi? Hein? Ah, pourquoi Shabbat, c'est samedi, jour de Saturne? Y a beaucoup de gens qui pensent que ces systèmes-là, ça venait du paganisme. Non, non, non. On a trouvé des. Hey, bonjour, monsieur Lavoie. Eux-mêmes, ils disent qu'il y a Saturne, entre autres. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'était plein d'astrologues dans ce temps-là, puis bon. Hey, monsieur Lavoie, Sylviane, bonjour à vous. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Mon dernier direct, bon, j'ai fini par l'enlever, ben, j'ai dit beaucoup de choses, hein. Je parle librement. Je peux pas laisser ça longtemps. Bonjour, monsieur Simon. Zo 357. Donc, on parle de quoi? Hein? Bonjour, Nathalie. Hey. Ahmed, bonjour à vous. Bienvenue. Joe Pro, bonjour à vous. Philippe, bonjour. Donc, va falloir parler des choses, là. Je peux pas juste dire bonjour. Donc, parce que par rapport à ce qui se passe en ce moment, bon, au Québec. Bonjour, Sabrina. Donc, il venait quelque chose, c'est reparti. J'ai une sorte de repas de bureau ce soir, là. Mais bon. Pas d'opinion sur le conflit israélien-palestinien? Oui, mais c'est pas vraiment important, mes opinions là-dessus. Hein? Pourquoi avoir enlevé votre live? Ben, parce que je disais même trop de choses. Je peux le laisser juste le temps que je sens que je suis sur le bord, que ça va être récupéré, puis je vais avoir des problèmes. Hein? Très intéressant vos capsules, mais merci à vous. Et bonjour Martin. Ben, le conflit israélo-palestinien, l'affaire c'est que c'est polarisant, c'est voulu comme ça. Même si je prends ni un côté ni de l'autre, si je ni d'un côté ni de l'autre, que je considère tout le monde, il reste que on voit jusqu'où ça va, à quel point on est désensibilisé au niveau de l'opinion, dépendamment de comment on est conditionné. Et on n'a pas un qui chiale dès que quelqu'un se manifeste comme étant critique des opérations de Tsahal, ben tout d'un coup, ça devient pro-Hamas. Puis bon, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport pour pas à tout. Au-dessus de 17 000 morts à date, dont 40 % d'enfants. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est sage, ça? Non, pas du tout. Est-ce que ça montre de discernement? Non, pas du tout. Est-ce que. Parce que dans le fond, c'est pas ça le projet. Il y a un agenda en arrière. Dans le fond, c'est de l'épilation ethnique. Moi, je le vois comme ça. Hein? Je voulais te demander quand j'étais petit. Et je me rappelle. Hein? Je voulais te demander quand j'étais petit. Quand vous étiez petit, vous voulez me demander. Je me rappelle de femmes très belles, blanches, qui parlaient avec moi. T'as une idée? Là, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Est-ce que vous parlez des images? Comme un rêve, je ne sais pas, là. Moi, ouais, mais pas eu le temps de l'écouter. Remets-le encore un peu de temps. Mais peut-être que je n'ai pas à l'écouter. Ben, moi, je les supprime, mes affaires. Ça n'a pas de valeur à mes yeux. J'accorde pas de valeur à ce que je fais autant que le monde pourrait penser, là. Sinon, je ferais rien. Si je me mettais à accorder de la valeur à ce que je fais, je ne ferais plus rien. À mes yeux, ça n'a pas vraiment de valeur. Ça dépend quoi. Mais là, quand je parle librement, puis tout d'un coup, c'est surtout de l'opinion, puis même de l'opinion entretenue. Je suis pas parfait. Bon, ben, des fois, je l'enlève. Ça peut être utile le temps que ça se fait, mais à part après, il y a des affaires, je pourrais avoir des sérieux problèmes. Faut enregistrer. Ouais, ben là, c'est comme si j'enlève quelque chose par peur que ça me fasse des problèmes, puis que là, vous le. Ça dépend du contexte. Bonjour, Pauline. Non, prenez ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. C'est pour ça que, à mes yeux, c'est polarisé exprès. C'est-à-dire, soit vous êtes pour Israël, soit vous êtes pour Hamas, alors que ça n'a pas rapport. Le Hamas, il a été voulu puis financé, puis il fait l'affaire d'Israël quelque part. Hein? Quand ils ont voulu se débarrasser de Yasser Arafat. Ils ont commencé à financer, même ça a été admis, je veux dire, même les Américains, bon, ils en ont donné de l'argent au Hamas. Là, tout d'un coup, il y a une attaque, entre guillemets, terroriste, puis après, ça sort de prétexte pour des opérations militaires de grande envergure totalement disproportionnées à un moment donné. Tu sais, faut être aveugle, là. Faut être aveugle. Hein? Hey, bonjour, Mel. Mel C. Donc, c'est sûr que, moi, mes yeux, c'est des crimes de guerre. Benjamin Netanyahou, c'est un criminel de guerre. Il en était un avant. Ça ne veut pas dire que je compte Israël, là. Moi, je suis pour tout le monde. Je suis pour l'humain. Pour la vie. Donc, je veux dire, avant 49, il y en avait une cohabitation, dans ces régions-là. C'est l'Occident qui, entre autres, là. C'était pas nécessaire, mais bon. Merci du conseil, ça va m'aider à refaire mes petites vidéos drôles. Le titre de mon prochain sketch, Preuve du voile de l'illusion. Bon, je sais pas. Si vous vous entre-déchirez la gueule entre pro-palestiniens et pro-israéliens, vous allez directement là où ils vous attendent, c'est ça. Donc, de toute façon, on peut pas empêcher. Il y a des programmations des peuples. Il y a des destins, si on peut dire. C'est pour ça qu'on m'avait envoyé une vidéo d'Idriss Aberkane qui parlait de la New Gaza, la Gaza nouvelle, puis tout. Puis c'était totalement. C'était irréaliste, là. Puis c'était idéaliste, puis c'était utopiste. Pas à peu près tout ce que. Tout le long, j'écoutais ça, j'y ai pas dans la réalité, là. Désolé, là. Hey, bonjour, Renoué. Donc, au niveau des destins des peuples, des programmations collectives, puis des choses comme ça fait des années qu'on sait que ça va vers la catastrophe. Ça fait même des décennies. On ne pourra pas empêcher certaines affaires parce que c'est aux belligérants d'être éclairés. Puis, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est tout ça aveuglé d'un côté de l'autre, puis c'est des décennies de conditionnement, puis il y a des gens qui sont nés dans le conditionnement, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de dommages, puis qu'il va y avoir beaucoup de souffrances. On ne peut pas empêcher ça avec des utopies. Prenez les anciennes cartes. Gaza, c'est la Philistie au fond. Donc, ceux qui se réclament de l'État hébreu maintenant, ils savent ça. Il y a quelque chose là-dedans, à leurs yeux, qui est justifié par une vision religieuse, qui est en fond philosophique et pas religieuse. Mais ils vont justifier ça, puis c'est vraiment une guerre au sens biblique un peu, dans le sens que c'est une lutte, il n'y a pas de quartier, là, puis. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis les médias, nos médias n'en parlent pas, puis c'est pas normal. C'est là qu'on voit que c'est totalement corrompu. Il y a au-dessus de 40 journalistes qui ont été tués par l'armée israélienne. Les journalistes, ils n'en parlent pas, ben, ben. Ça dérange pas. Quand Poutine est soupçonné d'avoir tué un journaliste, là, c'est grave, puis tout. Mais oui, mais là, vous avez un État qui est notre allié, techniquement, puis là, il y a des dizaines de journalistes qui sont exécutés. C'est volontaire, là. D'ailleurs, vous allez voir à la fin de tout ça, là. Il va avoir eu plus d'otages tués par Tzal que par Hamas, ça, je suis sûr, 100%. Ils s'en foutent des otages. Pensez-vous que Benjamin Netanyahou, ça l'intéresse, les otages? Voyons donc, c'est des pions, c'est un prétexte, bon, ils s'en foutent des sauveaux pas tant qu'à moi. Benjamin Netanyahu, c'est pas... En tout cas. Vous le savez, ça, dans le fond. Hein? Vous avez retiré la vidéo sur la haute gang ainsi que le direct numéro 12. Je ne sais pas ce que vous parlez, la haute gang. Là. Bon, je m'en ai enlevé pas mal des affaires. Je me prépare, je veux dire, dans le sens qu'il va arriver d'autres choses à un moment donné. Puis il va y avoir encore... on va avoir encore des problèmes au niveau de ce qui est acceptable de dire ou pas. Parce que c'est une géométrie variable. Dépendamment de ce qui se passe, il change ça. Donc, qu'est-ce qui va être acceptable dans 6 mois? Moi, ben, tu sais, je fais attention. Pas au sens... En tout cas, je pense que vous êtes capable de comprendre, là. Je suis d'un bord ni de l'autre, dans le fond. Au sens où on fait notre possible. On fait notre possible. Donc, est-ce qu'il y a d'autres des sujets? Tu as raison d'être prudent. Ouais. Ben oui, il y a du monde qui ont eu des problèmes, puis ils n'ont même pas dit un dixième de ce que j'ai dit. L'affaire, c'est que je suis dans l'ombre. Puis que je me suis tout arrangé pour le rester un peu. Mais il y a bien des choses que j'ai dit. Il y a du monde qui sont. Ils ont eu des problèmes très, très graves, ou même pas une dizaine de ça. Donc, je fais attention pareil. Mais c'est un risque calculé. Pas au sens d'un esprit de calcul, mais c'est un risque calculé au sens que j'agis selon mon statut. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis un petit peu dans l'ombre, puis ça fait mon affaire. Donc, je m'en permets plus un peu que d'autres. Parce que. Ben oui, ils vont finir par... ça, vous savez, quand j'étais enfant, on nous parlait des dystopies comme des états policiers, des dictatures au sens de la pensée, des dictatures soft puis tout. Mais on s'en allait vers ça, puis je le voyais. Puis à plus qu'on nous dénonçait certains régimes, plus je trouvais qu'on s'en allait vers ça. Puis qu'il y avait quelque chose d'une inversion. Il y avait quelque chose d'une inversion. Mais on est dedans, là. On est dedans. Il y a des gens qui sont en prison pour délit de pensée. C'est comme en France ce qui est arrivé, les lois qu'ils ont faites. Certaines lois que vous n'avez pas le droit d'avoir d'opinion à propos de certaines choses. Il y a un problème, ça. Puis ça, c'est lié justement à ce que vous le voyez, ce qui se passe, là, au Moyen-Orient. L'Europe, c'est une dictature à mes yeux, mais je parle, c'est tout de même, on s'en va vers une fédération. C'est une Europe où il n'y a plus de nationalité, une Europe où il n'y a plus d'identité nationale séparée, c'est une Europe qui s'en va vers, c'est la mort de la civilisation européenne. C'est vraiment la mort, dans le sens que ben, vous allez le voir. Je veux dire, les Européens, regardez comment ils se sont fait mettre dans la merde pour des conneries qui ne les concernent même pas. Même pas. Envoyez votre argent à l'Ukraine. Donnez tout votre armement à l'Ukraine. Hein? Anonyme dans la masse, n'élève pas le doigt ou l'air en l'air. Il te sacrifie pour l'exemple, moi. Ben oui, mais malgré que moi, c'est bien dangereux m'attaquer. Dans le sens que si des journalistes décidaient qu'ils m'attaquent comme ils en ont attaqué d'autres, ben là, ça va ouvrir une porte de Pandore parce qu'il y en a du stock de moi sur Internet. Puis je dis pas juste des conneries. Donc, c'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien parce que des fois, vous voulez détruire quelqu'un puis vous le construisez, vous le fabriquez, vous l'aidez. Dans le sens que si le monde a le malheur d'aller voir, ils vont dire finalement, c'est pas si fou. C'est pas si fou ce qui est comme ça. Donc, il est inoffensif. Puis pourquoi il l'attaque? Là, le monde commence à se poser des questions. Ça, c'est pas bon. Il aime pas ça. Hein? Bon. Parce que aussi, je suis capable aussi de les défendre. Certains de mes propos, dans le sens que si des journalistes m'attaquent, moi, je considère que j'ai un droit de réponse. Donc, c'est un pensez-y bien. Donc, aussi bien rester discret, puis ça va être mieux pour tout le monde. Ça va être mieux pour tout le monde. Parce que, regardez, il y a du monde qui ont été salis par des journaux. Puis je soupçonne une sorte de théâtre là-dedans. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais immédiatement poursuivi le journal pour diffamation, surtout s'ils mentent. Voyons donc. C'est jamais le réflexe qu'ils ont. Donc, pourrait-tu que ça soit arrangé? C'est, au fond, on nous désigne c'est qui la dissidence. Pourquoi? Parce qu'elle est inoffensive, au fond. Hein? Le quartier des bureaux de l'Union européenne à Bruxelles est très moche. En bas de la rue, c'est parce que c'est garde du Nord et prostituée en vitrine Nord. Oui. Bah, de toute façon, toute l'architecture n'est pas très jolie depuis... depuis après les années 1910, là, ça se gâche pas mal. Donc, tu sais, vous parlez du quartier des bureaux de l'Union européenne, c'est nouveau, c'est bébelle-là, techniquement. Même si l'idée est vieille. L'idée est vieille. L'Union européenne, c'était le rêve des nazis. Puis Ursula von der Leyen, ben... OK. Bonjour, Roselyne. Bon samedi, Luc. Donc, bon. Alors, on parle de quoi, là? On parle de quoi? C'est pas si intéressant, tout ça. Qu'est-ce que l'âme, selon vous, comment un être humain peut exister sans âme? Un être humain, à mes yeux, peut pas exister sans âme. On voit du monde qui parle d'être sans âme au niveau d'une mouvance qui est une ressurgence du gnosticisme. Même chez les animistes, si vous avez pas d'âme, c'est parce qu'on vous l'a volé. C'est-à-dire que au niveau d'une pratique technique, vous êtes séparé de votre âme. Ça ne veut pas dire que vous l'avez plus, ça veut dire qu'elle est séparée de vous parce qu'il y a un praticien qui agit dessus. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est un corps intermédiaire qui est lié à la mémoire incarnationnelle, qui sert à l'enregistrement de l'expérimental. C'est ça l'âme. C'est-à-dire qu'il y a des choses au niveau de votre personnalité ou de vos structures psychiques qui ne viennent pas de vous, qui viennent de ce qu'on appelle la mémoire de la race, puis le collectif, ce qui est archétypique entre autres. Puis ça, c'est lié au phénomène de l'âme. Puis l'être humain ne pourrait pas être un animal social comme il est sans son âme, c'est-à-dire sans sa mémoire collective entre autres, parce qu'il y a une mémoire collective et une mémoire individuelle. Donc, l'âme, ça sert à l'incarnation, mais aussi à l'enregistrement de votre expérimental. Mais aussi, l'âme, c'est ce qui véhicule la programmation. Comprenez, si vous avez une maladie génétique, par exemple. Moi, à mes yeux, je vais lier ça à l'âme. Ça fait partie de l'âme, parce que c'est de l'information au sens incarnationnel. C'est-à-dire que vous répétez un gène dans votre incarnation qui ne vient pas de vous, qui vient de vos ancêtres, c'est lié à l'âme, ça. Alors, on parle l'âme des corps. L'âme des corps, la mémoire des corps. Parce que la mémoire, ça, c'est vaste, l'âme. Hein? Pour ou contre les événements scénarisés selon les mémoires cellulaires héritées dans ce jeu de dualité, alimente la matrice. La matrice, observateur fusionné, témoin des fréquences énergétiques en mémoire. Moi, bon, l'affaire de matrice, là, c'est quoi une matrice? Une matrice, c'est un environnement nourricier qui protège quelque chose d'embryonnaire parce qu'il n'est pas prêt à... C'est ça, une matrice. Ça dépend de quoi on parle. OK. Après les films de pandémie, maintenant qu'il y a des films de guerre civile en ce moment, ils veulent nous amener vers là. Oui, possiblement. Dans le sens, ça fait des décennies en Europe, surtout en France, qu'on parle de guerre civile, puis de guerre civile, puis de guerre civile. Les Américains ont intérêt à ce qu'il y ait énormément de destruction en Europe, ils n'ont pas le choix au niveau de se rendre utile au niveau de la reconstruction pour reconstruire eux-mêmes leur économie, puis aussi jusqu'à un certain point des partenariats, c'est-à-dire renforcer l'influence qu'ils ont. Les Américains contrôlent l'Europe, je suis désolé de dire ça, puis quand je dis les Américains, il y en a qui n'aiment pas ça, il faut faire la différence entre le peuple américain et les agences. C'est à l'interlocuteur de faire la différence. C'est certain que quand je dis les Américains contrôlent l'Europe, je ne parle pas de Molimé dans l'État du Kentucky qui sème des choux, là. C'était l'évidence même, c'est à l'interlocuteur d'avoir du discernement. Hein? Sommes-nous autres? Sans l'âme ou celle qui nous définit. C'est parce que l'affaire, c'est justement, on se définit par l'âme. L'âme, c'est pour vous, là. Ça n'a pas d'identité, une âme. Mais ça rend possible la partie qui va mourir, dans le fond. C'est-à-dire, ce que vous appelez je, là, votre ego. Sommes, nous sommes. Si on dit nous sommes, ça veut dire qu'en tant que collectif, il y a donc une scission entre les individus. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de collectif sinon. Mais il y a l'âme collective, il y a l'âme individuelle. Mais l'âme, ça, ce qui est véhiculé par l'âme, c'est pas vous. Okay? Ça fait partie de la fausse identité psychologique. Un peu, là. Donc, en ce moment, des gens, ils parlent de Jésus. Ben, c'est sûr, Noël s'en vient. Il n'est pas mort. D'autres disent que c'est un autre qui est mis sur la croix, blablabla. C'est les mêmes affaires qui ressortent tout le temps. Tout ce qui ne peut pas être vérifié réellement ou par la déduction est sans intérêt. À mes yeux, là. Enfin, c'est parce que Noël s'en vient. C'est une façon de l'attaquer, tant qu'à moi. Prenez. D'autres disent que c'est un autre qui est mis sur la croix. Il y en a qui disent qu'il n'est pas mort. Prenez les témoins de Jéhovah, la Watchtower à New York, eux autres, ils disent que Jésus est revenu physiquement depuis 1976. Si ça, c'est pas rire du monde, je ne sais pas c'est quoi. C'est eux autres aussi, ils ont fait bâtir une grosse maison, une grosse demeure, une immense villa avec des Rolls-Royce, puis toutes sortes d'affaires, parce qu'ils disent que le prophète Élie revenait, puis. Jésus, il sert à. Je veux dire, c'est un nom puissant, donc il sert à manipuler. Donc on l'instrumentalise. C'est-à-dire que, tu sais, quand on dit le singe de Dieu, c'est-à-dire il y a des forces qui récupèrent. Il y a des forces qui récupèrent. Puis, c'est quoi qui donne la serpesse? Le doute. Le doute. La capacité à. Bon. Donc, ça engendre du doute, ça. Hein? Un autre qui était mis sur la croix. J'ai pas vraiment d'avis, je peux pas aller vérifier. Puis je trouve pas ça intéressant dans le sens que ça change quoi? Ça change quoi? Au niveau des évangiles, le message, la profondeur, ce qu'il dit, puis l'intelligence dans ce qu'il dit. Ça change rien, là. C'est juste technique, c'est accessoire, là. Donc, mais c'est parce qu'il y en a, ils basent leur foi sur l'idée de la résurrection ou pas. C'est leur problème. Moi, je ne me pose pas de questions de même. La programmation semble éclater avec tous les sujets sur la table dans l'actualité. Mais qu'en est-il réellement? Quelle est ta vision, la vision? La programmation semble éclater avec tous les sujets sur la table. Ben, c'est qu'il y a une surabondance de l'information. C'est-à-dire, celui qui est en panique ne peut pas gérer. Donc, si on vous met dans un état de panique, ça, on va pouvoir justifier de gérer votre pensée à votre place. La panique survient au niveau qu'il y a une incapacité de gérer par rapport qu'il y a soit un surplus d'informations, soit une absence totale. Le vois de même, c'est-à-dire qu'on va créer par exprès une congestion du système nerveux des gens pour pouvoir prétexter, pour avoir la possibilité de penser à leur place. Et un jour, celui qui pense par lui-même soit vu comme un criminel, on n'en est pas loin, là. Bonjour Valérie, bonjour Mister Guerrière. Fatima, bonjour à tous, bonjour à vous. Monsieur Pinard, bonjour. 66 personnes sur le chat. 71 maintenant. Oui, semer le doute. En effet, la contrefaçon est une arme puissante. Et voilà. Ariane n'a pas eu le temps de vous lire. Bonjour à Samab. Donc, on le voit dans ce qui se passe, tout est manipulation. Ça, c'est la seule affaire dont vous pouvez être sûr. Moi, c'est la seule chose sur laquelle je me mets à y réfléchir, je n'ai pas de doute. Tout est manipulation, tout. Je veux dire, au niveau sociétal, au niveau des forces qui veulent influencer l'individu à travers les collectifs, tout est manipulation. Je regarde, j'écoute les informations, les nouvelles pour voir ce qu'ils nous disent, pas pour en pensant voir la réalité. Hein? Toutes les mémoires vécues refont surface la vibration. Ouais, mais déformée. La vibration terre éjecte et reprendront forme dans la matière selon les croyances incrustées, maintenues par les films hollywoodiens. Voir c'est quoi. C'est pour ça que je dis c'est déformé. Les Américains eux-mêmes ont une vision déformée de leur propre histoire parce que c'est de la propagande. c'est pas factuel. Il y a bien des affaires que les Américains ils prennent pour des faits historiques, c'est des histoires, là. Bon, mais c'est pareil dans tous les pays, hein. C'est pareil dans tous les pays. Prenez l'invention de Vercingétorix qui tient tête aux Romains. Le Gaulois qui n'est pas un latin. Alors que à la base, c'est des Gallo-Romains, puis il y avait des liens de jeu, puis c'est des inventions, quelque part. Mais si vous enlevez le catholicisme en France, qui était vu comme la fille aînée de l'Église, puis le baptême de Clovis, puis ces affaires-là, faut le remplacer par un autre mythe. Donc, les francs-maçonneux, eux autres, ça va être de ramener les histoires d'avant la christianisation, puis c'est souvent de même, pour essayer de reforger une identité nouvelle, qui n'est pas une identité réelle. Je veux dire, on enlève une identité construite pour en mettre une autre. Ça veut juste dire, c'est parce que, ben, vous savez comment ça comment ça fonctionne un gouvernement au sens comme il y avait avant. Bon, vous avez la caste des clercs, donc le clergé, les professions libérales, vous avez la noblesse. La noblesse qui doit son sang au peuple en temps de guerre. Le noble il est censé être en avant de tout le monde à mourir quasiment en premier. Puis vous avez le tueur et tout, puis bon, ces affaires-là. Au niveau sociétal, on peut voir que la noblesse et le clergé ont perdu le pouvoir. On le voit par l'invention d'un roman national complètement autre, qui est apparu après la Révolution, dans le fond. Il y a une repaganisation de la France, entre autres. Puis il y a eu ça dans d'autres pays aussi, tant qu'à moi. Donc, c'est le coup d'État par la finance. La finance a pris le contrôle, c'est-à-dire aider des bourgeois, d'ailleurs. C'est pour ça que le roman national est changé. Là. Ça marche plus. Ça marche plus. On va plus se battre pour le roi, on va plus se battre pour l'Église. On se bat pour la République, puis comme les Américains, là, et c'est pour la liberté, ils vont détruire des pays complets pour la liberté, la démocratie. Regardez dans les dernières années ce qui est arrivé, la Libye est complètement détruite, l'Irak, la Syrie, dans les années 90, dans le temps de Bill Clinton aussi en Europe. Puis, les médias détruisent des pays, ils sont complices de ça. Parce que dans une supposée démocratie, ça prend l'accord du peuple quelque part. Mais c'est tout de l'invention, c'est tout de la construction, c'est tout, c'est ça. Que dire de la planète Nibiru? Ou Planétique serait-elle bientôt de retour pour mettre fin au film? Je crois pas à ça, désolé. Moi, mes yeux, ça fait partie de... Vous avez le roman national, puis vous avez le roman ésotérique, mystico-patente. S'il y avait prenez Nibiru, là, dans ce qu'on parlait, puis les calculs, puis tout, bon, on est supposé l'avoir, la gravité terrestre de jour toute... Faire attention avec ça. Dans le sens que c'est comme quand j'étais enfant, on parlait de l'inversion des pôles, puis blablabla. Prenez qu'est-ce qui est en 2012, juste à la fin du monde. Ben moi, je n'ai pas embarqué là-dedans, mais j'ai vu plein de monde embarquer là-dedans, puis du monde rationnel. Là. Ben c'est pareil, le reste. Là. Ça, c'est des eaux à ronger, ça vous occupe, des affaires de même. Puis surtout, ça vous occupe au niveau de votre réflectif puis de votre mental. Puis c'est lié, dans le fond, à vos angoisses et à vos craintes quelque part. Là. Moi, Nibiru, je ne pense pas jamais à ça. Je n'ai pas besoin de ça. Pour moi, Nibiru, là, c'est aussi réel que les dessins animés de Tex Avery. Donc, comment savoir si une idée vient de moi ou d'ailleurs? C'est une question pour moi. Ça va être lié à la fréquence. Mais là, quand on dit qu'il vient de vous, ça veut dire vous, quel est quel? Votre moi psychologique, votre... c'est pas pareil. Mais ça va être lié à la hauteur. De toute façon, si une idée ne vient pas de vous, mais qu'elle est intelligente, ou qu'elle sert à quelque chose, ça ne change pas grand-chose. Là. C'est pas si important, hein? Ça fait souffrir, ça vient pas de toi normalement. Ça dépend. Parce que si vous souffrez d'une idée, ça veut dire qu'il y a un combat entre votre conscience et d'autres choses. Il y a un conflit, sinon il n'y aurait pas de souffrance. Donc, c'est de l'information. Donc, attention à ne pas inverser, parce que vous allez finir par prendre des choses qui viennent de votre intelligence et de votre esprit pour des affaires qui ne viennent pas de là. Il ne faut pas se mettre à combattre sa propre lumière au niveau psychologique, sinon vous êtes comme ben, le reste des gens. Sans fièvre, c'est ça que les gens vivent la plupart. Je ne vais plus au cinéma. Pédowood, pas de consentement de ma part, moi. Et Hollywood, de toute façon, des bons films, il n'y en a plus depuis longtemps. L'âge d'or, à mes yeux, moi, c'est les années 80, début 90. Après ça, c'est plus pareil. Là. Mais il n'y a plus de créativité dans ce monde-là. Puis ça, c'est à cause de la fin des clubs vidéo, dans le fond. Avec les clubs vidéo, des petits producteurs pouvaient faire des films de répertoire ou de genre, puis c'était rentable pareil grâce aux clubs vidéo. Maintenant que ça n'existe plus, ça a tué quelque chose. Donc, bon. Question. Nous sommes en fin de cycle. Lors de celui-ci, y aura-t-il une moisson? Ça dépend ce que vous entendez. Mais de la moisson, il y en a tout le temps. Regardez ce qui se passe en ce moment là, à Gaza. Les plans de la mort, ils récupèrent, ils ramassent. Dans le sens, ça fait beaucoup d'énergie. Là. Beaucoup d'énergie. Un être humain, là, c'est une centrale, je veux dire. C'est quasiment un soleil, là, l'énergie que ça représente. Donc, tu avais déjà un peu ouvert là-dessus. Quelqu'un qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, pour toi, peut-on avoir le pouvoir là-dessus? Peut-on avoir un pouvoir sur les neurotransmetteurs? Jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est limité, là. Je veux dire, votre système nerveux, s'il est entamé, puis s'il est bon, il y a des choses qui ne se réparent pas. Mais vous pouvez apprendre à maîtriser, pareil. Comme j'ai connu des gens qui bégayaient, entre autres, là, je sais que ce n'est pas le même problème, puis bon, mais ça touche les mêmes régions. Puis qui ont réussi à se débarrasser de tout simplement par la compréhension de leur psychologie puis de certains traumatismes liés à leur passé, puis à l'image surtout, qui ont du jugement des autres. Hein. PS, mon message n'est pas une idée de moi. Je ne crois pas, mais c'est ce qui se passe, moi. Bon. Je comprends pas là, ce qui se passe. Être dans l'absurde peut-il permettre de reprendre du libre-arbitre quelque part. Ça dépend de quel absurde on parle. Là. C'est de l'absurde involontaire, puis vous en rendez pas compte. Ça dépend. L'absurde, il va être lié à la perception d'un tiers, souvent. Au fond, là, être dans l'absurde, je sais pas. Prenez François Gour, que vous trouvez qui est plus de libre-arbitre. Reprendre du libre-arbitre. Reprendre du libre-arbitre, pour ça, il faut comprendre le libre-arbitre, c'est quoi? Dans le sens que, si vous avez à prendre une décision, ça veut dire que vous ne savez pas, puis que vous hésitez des choses, donc il y a de l'information qui manque. Si vous saviez parfaitement ce qui est plus logique, puis plus intelligent à faire, vous n'auriez plus jamais à prendre de décision. Donc, le libre-arbitre, il vient c'est une compensation quelque part. C'est là que l'intellect remplace ce qui a été coupé, là. Moi, je le vois de même. Scorsese, c'était du cinéma, mais ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. Ouais, franchement, moi, j'ai bien de la misère avec. C'est pas mon genre de film. Donc, Jean, c'est juste une question, rien de plus. OK. Bonjour, Roselyne. Oui, mais ce n'est pas le lieu. Ça, je n'ai même pas de quoi on parle. Plus précisément, tu as de la moisson. Sur l'étincelle de vie. Il faut comprendre que l'énergie, elle se transfère, elle ne disparaît pas, elle ne vient pas de nulle part. Donc, au niveau des plans, il y a un circuit d'alimentation. C'est-à-dire que, ben c'est ça. C'est un des grands secrets de certains rabbins. Dans le sens, ils savent ça. Ça fait partie de leur religion. Puis là, je parle pas du judaïsme. Dans le sens, la science de la façon dont les étincelles traversent les plans. Puis comment que les transferts s'opèrent d'un plan à l'autre, puis qui a donné lieu à des pratiques de magie, puis de commerce avec des forces qui sont pas sur notre plan, mais qui ont intérêt, puis la volonté à se servir de nous autres pour agir dans le plan matériel, pour faire traverser de l'énergie sur leur plan. Des êtres qui avaient été enfermés dans des dimensionnalités, mais qui ne sont pas obéissants au niveau des forces qu'ils avaient mis là. En tout cas, on commence à tomber dans des sujets délicats. C'était direct là, j'aimerais ça le garder. Est-ce que ça vous coucou, est-ce que ça vous parle le terme hypnagogie? Oui. J'ai du mal à saisir si cela correspond à des hallucinations ou à un état recherché via la méditation par les bipèdes. L'hypnagogie, c'est quand vous êtes entre la veille et le sommeil. Dans le fond, vous êtes dans un état altéré de conscience. Puis c'est pas loin de l'onirisme. C'est ça une image hypnagogique. C'est un peu un rêve éveillé. Parce que vous êtes entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire qu'au niveau de votre intellect, il n'y aura pas un fonctionnement mécanique comme d'habitude au niveau de la forme, mais il va y avoir génération spontanée de forme par rapport à une mécanique qui est plus inconsciente puis qui est au-delà de votre psychologique. Des images hypnagogiques, c'est ça. Vous êtes entre la veille puis le sommeil, puis vous rêvez éveillé un petit peu. C'est-à-dire des formes. Souvent, ça va être des images très colorées, très furtives. C'est très furtif, très coloré. Ça ressemble aussi à ce qu'on appelle le phénomène des mantismes. Le mantisme, c'est des formes hypnagogiques comme ça. Ça dépend de votre état d'esprit puis même de santé. Il y a plus votre système nerveux est stimulé par des choses extérieures comme le café engendre des mantismes, le tabac engendre des mantismes. J'ai eu des cas qui étaient, ils n'arrivaient même pas à dormir tellement il y avait des images hypnagogiques, c'est-à-dire dès qu'ils étaient sur le point de s'endormir, ils étaient bombardés d'images puis se réveillant en sursaut. Donc à ce moment-là, c'est de regarder l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, il y a toujours quelque chose au niveau de la vie qu'on peut enlever puis ça va avoir un effet. Au niveau de ce genre de phénomène-là, habituellement, c'est des gens qui consomment des substances, là. Mais juste le café puis le tabac. L'affaire, c'est les mantismes puis les images hypnagogiques, c'est pas dommageable si vous donnez pas une valeur puis vous accordez pas d'importance à ça. Il y en a du monde qui ont des mantismes avant de s'endormir, mais comme ils se réveillent pas en panique avec ça puis qu'ils capotent pas avec ça, ils s'endorment. Ils s'en foutent. Donc, bon. Je suis parcouru par des courants électriques en mode vibration électrique intérieure, souvent sur le dessus du crâne. Aurais-tu une explication? Ben, ça dépend, là, si vous vivez des choses puisque ça affecte votre système nerveux. C'est comme prenez, il y a des gens, des fois, ils vont être parcourus de frissons quand ils voient une image d'une opération chirurgicale à la télévision, par exemple. Où vous allez ressentir ces frissons-là va donner un indicatif au niveau de votre corps vital, puis les aspects électriques de votre système nerveux. Mais là, sur le dessus de la tête, va être quelqu'un de bien, bien sensible. Bien, bien sensible. Ça dépend aussi le contexte. Le contexte, puis. Mais habituellement, moi, ça pourrait partir de la tête puis parcourir le corps. Mais là, ça fait juste c'est localisé comme ça. C'est du cas par cas, hein. Les marchands du temple commencent avec des forces sur d'autres plans. Commerce avec. Ça dépend de quoi on parle. Les marchands du temple, c'était des changeurs de monnaie, entre autres aussi des gens qui vendaient des animaux pour les sacrifier au temple. Les marchands commercent avec des forces sur d'autres plans. C'est plus ceux qui commercent avec eux autres, dans le fond, c'est juste des intermédiaires, on peut dire. Ça dépend, là, comment on voit ça. Hein? Je préfère les vestales du temple. Moi. Les temples, comme les serpents d'airain. Savez-vous qui était négociant en airain? Joseph d'Arimathie. Oui, puis il venait d'Angleterre, Cornouailles. Donc, pourquoi je pense à ça? Qu'est-ce qui vient faire là-dedans? Les temples. Vous savez, c'est quoi un temple? En tout cas, à un moment donné, on en parlera, là. Pourquoi c'est quoi un temple? Dans le sens, en quoi c'est aussi politique? Qu'est-ce qui a remplacé ça? Ben, Radio-Canada. Des affaires de même. Maintenant, on pourrait regarder ça comme faux. Quand j'étais jeune, je voyais des mantis à n'importe quel moment de la journée. Il me suffisait de me concentrer dessus. Ah oui, le mantis, habituellement, c'est involontaire. Ça va être quand vous avez. Au fond, c'est comme si vous avez une capacité de visualisation puis de focus sur vous. Mais, parce que le mantis, habituellement, c'est involontaire. Donc, ça dépend, là. Les blanches en délire d'insomniaque, c'est pour l'affaire à l'envers au marchand de sable. Merci, le café. Ouais. Il n'y a pas grand-chose de plus important et significatif qu'un bon sommeil. Hein? As-tu vu ou vu le film que les Obama ont produit, Le Monde après nous? Bah, je n'ai pas vu ça. Ben, franchement, je n'ai pas du tout. Bon, toujours eux autres, là. Je sais pas. Hein? C'est aussi plate que les films d'Al Gore, on va laisser faire. Si l'énergie est infinie, comment peut-on parler de sa source? Ben, ça dépend, là. C'est comment je pourrais dire ça? L'énergie n'est pas infinie en tant qu'espace. C'est pas pareil. C'est pas l'infini spatial. C'est pas cet infini-là. C'est un infini fractal. Dans le sens que, ben c'est ça. C'est comme si vous prenez. Si on prend la notion de spatialisation, puis qu'on considère, par exemple, de l'information localisée dans un espace, mais ça peut être hyperbolique. Ça peut être hyperbolique. Il y a encore plus de place. Il y a encore plus de place. Hein? Donc, l'énergie n'est pas infinie au sens d'une spatialisation comme nous on le conçoit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste l'énergie, même si c'est infini, faut qu'elle puisse se mouvoir. Faut qu'elle puisse se mouvoir parce que ça fait partie de sa nature. Elle met en mouvement aussi. Donc, faut qu'il y ait une notion. Parce que l'infinité s'englobe pas nécessairement le spatial au sens où on l'entend. Donc, parler de sa source. Vous n'êtes pas éloigné de votre source, vous êtes coupé de votre source. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour des raisons qui ont été volontaires, l'être humain, il a été coupé. Il a été coupé de sa propre de l'intelligence. Donc, aussi de sa propre intelligence. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il développe l'intellect. Puis il fallait qu'il développe aussi une conscience individuelle. L'homme, avant sa coupure, c'est pas un être individué vraiment. Il n'y a aucun libre arbitre, même au sens psychologique, comme nous on l'entend. C'est pour ça qu'il se fait avoir puis qu'il tombe, qu'il chute. Il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout, dans le sens que c'est pour des raisons de fonctionnalité puis de but. C'est très pratique, ces affaires-là. Donc aujourd'hui, si on a la capacité de dire je, c'est grâce justement au fait qu'il y a des ténèbres. C'était nécessaire à la division, à l'individuation de quelque chose qui est infini dans son unité. Bon, je ne suis pas sûr que je réponds à votre question, mais c'est des affaires tellement subtiles puis qui vont tellement en dehors de comme nos conceptions habituelles. Psychologique, humaine, que c'est bien difficile de répondre d'une façon claire, parce que c'est facile de répondre dans le fond, parce que ce que je parle, je le vois. Mais c'est mettre des mots là-dessus qui est difficile. Mais prenez les croyants, par exemple, qui vivent dans un monde où ils croient en un Dieu qui a volontairement fait l'être humain avec des failles et faibles. Cet être omnipotent et omniscient aussi le laisse dans une situation où il va se faire berner, où il va chuter, pour ensuite le forcer à la descendance de cet être-là qui n'est pas coupable, mais qui hérite d'une faute, ensuite va être obligé de souffrir dans sa chair au niveau d'une résidence. À un moment donné, on arrive à un point où c'est pas logique. Ou croire en un Dieu comme ça, c'est bien difficile. Là, c'est là ils vont dire, ben, les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a des mystères, le mystère de ci, le mystère de ça. Mais la vérité, c'est que ça ne se tient pas psychologiquement pour un humain intelligent si on reste à la surface des choses et de la forme. Ça ne marche pas. Parce que ça ne se tient pas, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est un peu comme quand ceux qui lisent l'Exode, puis qu'ils ne voient pas l'affaire des programmations des peuples, puis des affaires qu'il y a un but, il y a des raisons, puis là, c'est quoi le principe de la volonté, puis au niveau collectif, puis blablabla. Quand on regarde ça, Moïse, il demande au Pharaon, fais sortir mon peuple d'Égypte, puis le Pharaon, il dit non, puis il dit non en répétition. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que Pharaon dise oui, puis qu'il fait exprès pour l'obscurcir, puis... Si on le regarde d'un point de vue humain, psychologique, ça ne se tient pas. C'est pas logique. Mais il y a du monde qui sont dans une foi naïve. C'est pour ça aussi qu'ils finissent par être dépressifs, angoissés. Ça ne se tient pas. C'est pas solide au sens de un paradigme. C'est intenable. Puis ils vont mettre le mot mystère là où il y a des lacunes, puis qu'ils n'arrivent pas à. Mais dans le fond, tout ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si vous avez un Dieu qui n'est pas logique, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, c'est sûr. Vous allez souffrir dans votre psychologie, vous allez souffrir dans votre émotionnel. Parce qu'on est fait quelque part pour la logique, la clarté et de l'intelligence. Si on se met à se poser des questions de même, on va avoir les réponses qu'on mérite. Hein? Il faudrait trouver le moyen de voler la recette de l'humus du paradis. Ça dépend. C'est quoi l'humus du paradis? C'est quoi le paradis? Parce qu'il y a une grosse différence entre le paradis, c'est-à-dire un état premier. Un état premier d'avant une chute, puis ce qu'on a appelé par après le ciel. C'est-à-dire l'astral, dans le fond. C'est-à-dire la mémoire animique collective, puis les forces qui régissent la programmation, c'est pas pareil. Donc, question sur la fission Bertel. Doit-on détruire, vers la fin du processus, la conscience artificielle? Ça dépend, là, vous parlez de la fusion d'un individu ou une fusion comme d'une société, ce qui est... C'est quoi de la conscience artificielle? Dans le fond, c'est de l'inconscience. Donc, de la conscience artificielle, est-ce que ça existe? De la conscience, est-ce que ça peut être artificiel? Comment un artifice peut se voir lui-même? C'est ça de la conscience, dans le fond. Doit-on détruire de la conscience artificielle? Oui, en se rendant compte que ça n'existe pas. Si vous vous rendez compte que c'est un non-sens et que ça ne marche pas, vous êtes détruit. De la conscience, vous avez soit de la conscience, soit il y a de l'inconscience. Mais c'est quoi de la conscience artificielle? Ce serait quelque chose qui singe la conscience, mais quelque chose qui singe la conscience pour singer quelque chose, soit au courant. Ça dépend, là. Bonjour, Jacinthe. On prépare une bonne soupe primordiale. Ouais, ça l'affaire, là, les éléments chimiques, puis le début de l'univers, puis tout, ils ne sont pas encore rendus aux aspects électriques, plasmiques, qui ont précédé leur soupe primordiale. Il y a d'autres plans que ça, là, qui précèdent. Bon, en tout cas, Vous avez séparé la conscience artificielle et conscience intégrale. Non, je sépare la conscience psychologique de la conscience intégrale. C'est pas pareil. C'est pas une con la conscience psychologique, c'est de la conscience psychologique. C'est pas de la conscience intégrale artificielle. Vous voyez, là, c'est un peu comme. C'est comme si je vous dis. Prenez là, dans un restaurant japonais, là, le crabe artificiel qu'ils font, c'est comme de la gobure gelée, c'est pas du crabe, là. C'est pas du crabe artificiel parce que c'est pas du crabe. C'est ça. Hein? Hey, bonjour. Êtes-vous un troll, là, vous? Là? Bon, les affaires de camarades, là. Je suis pas fort là-dessus. Bon, en fait, surtout qu'une connotation avec un nom en cyrillique de même. Bonne fête de fin d'année à tous. Paix, joie, amour. Bûcher d'Inde. Merci à vous, Fatima. Comment une conscience artificielle peut s'observer? Justin en selfie. Ouais, même là, c'est pas de l'observation. Parce qu'il se voit pas. Sinon, il ferait d'autres choses. Tu disais l'autre jour qu'il peut t'expliquer. Non, j'ai 11 dimensions. Une dimension, puis un plat, c'est pas pareil. Il y a plusieurs dimensions dans un plat déjà. Non, non, c'est pas pareil, là. J'ai compris la différence. OK. Non, je ne suis pas un troll. OK, c'est correct d'abord. Bienvenue à vous. Hey, bonjour, Franck. Bon, ben, moi, je vais cesser bientôt. Mais c'est pas pire, celui-là, je vais pouvoir le garder. Je vais pouvoir le garder. J'ai pas de trop d'horreur. Deux horreurs dans le sens de qui pourrait m'amener des problèmes. Mais prenez. Ah, désolé, j'ai appelé Balade tout à l'heure. En effet, je crois qu'il m'a suivi. OK, bon, c'est correct. Mais bon, de quoi je parlais donc? Je m'en souviens plus. Mais est-ce qu'il y avait d'autres affaires? Il y a de quoi. L'oiseau manqueur, j'ai vu ça dans la dernière vidéo. C'est intéressant. Dans le sens que. Ben, moi, je suis pas bien bon pour faire des casse-têtes. Je suis bon pour garrocher des morceaux de même. Là, il met des morceaux de casse-tête ensemble. Dans le sens, ouais, les aspects entre Saturne, certains dogues. Hein? Vous êtes très pertinent, Berthold, des pas supprimés ou vous censurez en parlant de guerre de l'information. La censure est la meilleure exemple. Non, l'autocensure, c'est pour se protéger. Dans une guerre d'information, tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Donc, c'est pas vraiment de l'autocensure, c'est au sens d'une gestion. Ben, je peux me permettre de parler librement, mais il faut que je sois aussi. Ben, je peux pas me permettre d'être trop insouciant, dans le sens que je suis au courant des conséquences, là. Hein? Je peux pas dire publiquement, ben, autant de choses des fois que je. Parce que des fois, dans ce que je dis, bon, je reste les mains, hein, puis j'ai fait des attaques personnelles, des fois, puis je suis pas tout le temps éthique parce que c'est dit spontanément. Donc, je fais attention. Hein? La censure est une forme de mensonge, l'incertitude crée la peur, l'incertitude est un concept clé de la mécanique quantique. Là, vous mêlez pas mal d'affaires. La censure, c'est. Où je considère, ça dépend. Si c'est moi qui l'enlève, c'est pas de la censure, ça. Je gère mon matériel, c'est pas pareil. Hein? J'écoute souvent vos vidéos, c'est intéressant, mais avec mon autre compte YouTube, mes commentaires ne sont pas visibles sur ce chat. Ah oui, ah, ça se peut, mais là, c'est pas de mon ressort. Je pourrais pas vous dire comment ça. Les mensonges ne méritent aucun respect. Ça n'a pas rapport, là. Ceux qui prétendent que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire sont des menteurs. Seuls les menteurs craignent la vérité. Ben, vous êtes dans de la polarité, là. C'est de la polarisation totale, ça, là. Puis c'est pas. La vérité, c'est l'envers du faux sens. Ça fait partie du mental polarisé, puis des concepts. Ça fait partie du mensonge cosmique. Qui est bien pire, qui est au-delà, qui fait partie de la formation de la polarité dans le mental. Donc, Oui, des fois, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, dans le sens, est-ce que c'était juste ou pas? Est-ce que c'était juste ou pas? Vous pouvez faire plus de mal en disant la vérité, des fois, quand ça dépend, est-ce que c'était juste ou pas? C'est une question de discernement, de tempérance. Monsieur Simon, merci d'avoir répondu aux questions. Ce fut bien intéressant. Bonne journée à vous. Vous écoutez, mais clair, vraiment. Ben, merci à vous. Si j'avais personne dans le fond qui m'écoutait, je ne parlerais plus, là. Non, d'accord, je comprends votre point. Moi, c'est que faut jusqu'à un certain point. Tout contexte, il y a des échanges. C'est mécanique, hein, le contexte. Donc, des fois, l'affaire, c'est pas la vérité ou le mensonge, mais c'est les conséquences. Puis qu'est-ce qui se passe dans le réel? Qu'est-ce qui va arriver? Si. C'est pour ça que c'est un peu comme c'est comme si vous êtes père de famille, ben vous avez nécessairement des secrets de famille. Vous savez des affaires sur votre femme, sur vos enfants, puis allez-vous les mettre dans le journal? Un bon père de famille. Ça dépend, là. Savoir s'attirer, c'est parfois préserver sa survie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une question de discernement, vraiment. Personnellement, je ne crois pas que la vérité est toujours bonne à dire. Mais ça dépend tellement de la situation. C'est ça, plusieurs autres paramètres. C'est le contexte. C'est le contexte qui fait l'incidence, puis le côté. Ben, c'est ça. C'est réellement le contexte qui va déterminer ce qui est ajusté ou pas. Hein? Ah ben merci à tout le monde. Merci à vous, Samab. Plusieurs ne sont pas programmés pour entendre des vérités. Ben, l'affaire, c'est que au niveau de ce qu'on pourrait appeler le conditionnement, ben, le conditionnement, c'est lié à de la cybernétique, dans le fond. C'est-à-dire que si vous conditionnez quelqu'un ou quelqu'un conditionné, il va avoir des mécaniques de préservation de son propre conditionnement. Hein? C'est un peu, ça fait penser un peu à ma blonde, il y a un roman qu'elle aime bien gros. Ça a donné bon, des affaires plus ou moins bonnes. Mais ça s'appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Zardoz. Zardoz. Ça parle, dans le fond, de contexte, de conditionnement, d'intégration, dans le fond, aussi. Puis, ou même, les raffinements de l'intellect, puis de la sophistication, à quel point ça mène à la mort. Puis, ce qu'on pense mal peut devenir tout d'un coup votre salut. Parce que ce que vous pensez bien, c'est votre mort. Et là, la polarité, dans le sens que, ben c'est ça, une fois qu'il y a polarité, puis il y avoir inversion, puis là, on tombe dans le dangereux. On tombe dans le dangereux. Il y en a qui se battent pour la vérité, mais ils se mentent à eux-mêmes. C'est juste vers la fin qu'ils se rendent compte que. Puis là, ça va, c'est là si on va voir s'il y a de l'orgueil ou pas. S'il y a de l'orgueil ou pas. Pensez-vous voir quelqu'un comme Angela Davis, par exemple, la militante Angela Davis, qui tout d'un coup dirait ben, je me suis fait avoir, puis je me suis fait manipuler toute ma vie, puis j'ai été un pion. Elle dit sortira jamais une affaire de même. Elle pourrait plus psychologiquement, il n'y aurait plus de cohérence pour elle. Ça serait sortir d'un paradigme qui l'a glorifiée. Alors qu'au fond, c'est vrai que. En tout cas, plusieurs ne sont pas. Oui, ok, vous venez de me donner une idée tellement simple. Comme par exemple un père de famille qui ne souhaite pas voir son enfant se gaver de sucreries, aimant son enfant lui disant qu'il n'y en a plus. Ben moi, mes gens, mon père de famille, il irait encore plus loin, il se mettrait en situation de ne pas avoir à mentir. Dans le sens que il n'y en a pas dans la maison. Tout simplement. Mais là, ça ne veut pas dire que de priver ses enfants. Ça non plus, ce n'est pas ajusté, puis c'est pas intelligent. Parce que si vous privez votre enfant de sucrerie, dès qu'il va pouvoir, il va s'en gaver. Ça pouvait même appris. Moi, j'ai vu ça des familles. Les enfants étaient tellement privés que ça en a fait des voleurs. Des voleurs. Puis des gens. Parce que justement, on leur avait tellement parlé contre l'alcool, contre la drogue, contre le sexe, contre tout, que dès qu'ils ont eu l'occasion, sont devenus des drogués de la pire espèce. Il y a la psychologie inversée. Amuser un bon père de famille, il comprend la mécanique d'une psychologie inversée. Il fera pas ni du renforcement négatif ni positif, parce que justement, il comprend la polarité. Il reste qu'on est conditionné de même. C'est lié à la neurochimie de votre cerveau. Plaisir, déplaisir. T'es pas fin, on te tape sur les doigts. T'es fin, on te donne une récompense. Puis, au niveau de l'âme humaine, puis de l'inconscience humaine, au niveau des mécaniques de survie inconscientisées, ça peut aboutir à des aberrations. Comme par exemple, quelqu'un qui a été battu par ses parents quand il est enfant, plus tard, ça peut faire un pervers qui paye des prostituées pour qu'elles le battent. Vous souvenez-vous, Montréal PQ, à un moment donné, il y a une journaliste qui avait enquêté sur la prostitution, puis il l'envoie rencontrer un client. Le gars, il est habillé en Adolphe H, puis lui demande de s'habiller en religieuse, puis de le fouetter à coups de chapelet en disant des « Je vous salue Marie ». C'est la première et la dernière journée de journaliste d'enquête de cette dame-là. Ça se passe dans les années 40. Elle en a assez. Hein? Bon. Admettons que sa père ne lui interdit pas toujours les sucreries, mais admettons qu'il est seulement à l'heure de dormir. Moi, c'est ça, je dis comme le contexte. Moi, la carotte et le bâton. Le béhaviorisme, tout le système éducationnel est construit sur cette base. Et voilà. Puis le béhaviorisme, c'est une science mécaniste du nerveuse. Dans le fond, c'est de la neurologie comportementale. C'est très, très, très, très restreint. C'est très restreint le béhaviorisme. Vous allez voir un béhavioriste, là, il va voir de la. Peu importe ce que vous. Si vous sortez de son école à lui, si vous sortez de ses vues à lui, il va vous dire vous faites de la distorsion cognitive. C'est un peu comme s'astiner avec un témoin de Jéhovah. Il va finir par vous dire ben, toi, tu es aveuglé par Satan. C'est pareil pour plein d'affaires. C'est comme les Freudiens. Moi, mes yeux, c'est une secte. Là. À un moment donné, ça devient une secte. Je veux dire, les Freudiens, par exemple, il faut qu'ils subissent une psychanalyse entre confrères. Mais il n'y a pas un Freudien qui viendrait volontairement me voir en me disant « Je veux une lecture vibratoire. » Je veux tout y défaire son freudisme, à mesure. C'est rien que des formes, c'est une doctrine quelque part, même s'il y a un aspect empirique de vérification. Puis de, bon, il reste, on est dans le. En tout cas, on m'a tellement gavé de bonbons que j'en étais dégoûté. Je ne mangerai plus que des carottes crues au goûter. Ouais. Quand vous interdisez quelque chose, vous l'énergisez. On voit ça chez les Polynésiens. Le tabou contient du mana. Ce qui est tabou contient du mana. Puis c'est tabou, puis ça contient du mana. Puis quand toute la tribu s'entend pour dire c'est tabou, c'est tabou, c'est tabou, le mana s'accumule dans ce qui est tabou. Effectivement, le fruit interdit est toujours attractif. Voilà. Pour ça, je vous dis, hein, le chien de Pavlov, ben oui, ben c'est la base du béhaviorisme au fond. C'est la réactivité mécanique. C'est de la programmation, dans le fond. Ces gens-là étudient la programmation pour comprendre l'esprit, alors qu'il y a moyen d'étudier avec l'esprit pour défaire la programmation. En tout cas, les témoins de Jéhovah est bon. Moi, ben, moi, je les laissais tout le temps entrer chez nous. Ils venaient une fois. Quand j'avais une nouvelle adresse, ils venaient une fois. Puis, ils peuvent pas se douter que je connais leur affaire. Peut-être même mieux qu'eux autres. Dans le sens que, ben, les anciens, le comité des anciens, la salle du royaume, ne va pas leur conter toute l'histoire de Charles Taze Russell, puis tout ça, là. Ils n'ont même pas le droit de lire là-dessus, ils n'ont même pas le droit de s'informer là-dessus. Une des premières questions que je pose aux témoins de Jéhovah, puis souvent j'étais assis devant ma grosse bibliothèque. Je dis, OK, ben moi j'aime jouer aux échecs, j'aime manger du boudin, puis j'aime lire de la philosophie. On fait quoi avec ça? Vous pouvez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si moi je rentre dans votre patente, là, là sont là, c'est ça qu'on n'a pas le droit de manger de boudin, on n'a pas le droit de jouer aux échecs. Ben oui, je sais ça. J'ai beaucoup, beaucoup, je me suis beaucoup informé sur les témoins de Jéhovah. Puis des fois, je leur apprends des affaires sur leur propre patente. Puis là, non, non, non, puis là, ils s'en vont. Puis je ne les revois plus. Je ne les revois plus jamais. Bon, ben, c'est correct pour aujourd'hui. Moi, je vais devoir cesser. BSR, TTL, la Terre. J'ai bonne la misère à. J'ai fait en sorte de m'être programmé. De mes insomnies en vain. C'est parce que vous essayez probablement psychologiquement. C'est pas juste psychologique, là. Ça m'est arrivé. J'ai pas mal de cas de monde que justement ne dorme pas. Ça pourrait-tu qu'il y ait quelque chose dans votre enfance? J'en connais une dame qui, quand elle s'endort devant la télévision à tous les jours, mais dès qu'elle veut se coucher dans son lit, ça prend des somnifères. C'est parce qu'il y a des affaires liées à l'enfance, probable. Eh bon, bonne journée, Mister Guerrière, Monsieur Pinard. Donc, bonne journée à tout le monde. Au revoir.